Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges et bonsoir aussi l'Alsace qui nous écoute. Contente de savoir que tu es l'antenne avec nous, Solveig. Et en effet, on peut nous écouter via la bande FM comme d'habitude sur le 107 ou aussi via internet, alors via notre site internet radiogémozo.eu ou sinon via entre autres une application qui s'appelle RadioLine, qui est gratuite et qui est compatible sur plein de types de smartphones. Voilà, je pense que j'ai fait la petite promo pour les différents moyens de nous écouter. Comme je l'ai annoncé dans mon émission d'hier soir et aussi un petit peu plus tôt sur la page Facebook de la radio, on reçoit un musicien avec nous ce soir et pas n'importe qui. Il collabore avec Delphine Se Défile, avec la compagnie L'Aéronef et même aussi de son côté. Il a plein de cordes à son arc, même si je sais que c'est une expression que je ne dois pas utiliser trop souvent en souvenir à l'émission avec Magic Cecily. Il s'agit de Jean-Nicolas Mathieu qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Nicolas. Bonsoir à tous. Et forcément, on a, si on dit émission musicale, on dit Mika. Alors Mika est avec nous ce soir. Bonsoir Mika. Bonsoir. Alors on est ensemble ce soir et de bonne humeur, il faut le dire, pour certes une avant-dernière heure des loups, mais ça on en parlera en fin d'émission. Et on est avec toi Jean-Nicolas pour parler un petit peu de tes projets, de ton parcours, de ton univers musical qu'on va décortiquer parce qu'on a plein de morceaux, on a des extraits de toi et des extraits autres qui t'inspirent. Enfin voilà, une émission qui t'est dédiée, juste pour toi. Bien, merci. Très contente aussi de t'avoir aussi pour moi toute seule, parce que c'est vrai que je t'ai reçue il y a quelques temps avec Anne Marion pour le spectacle S, je crois. Il n'y avait plus de terme après, ça avait changé si je ne me trompe pas. Et voilà, là je peux me consacrer vraiment à ton univers, à toi, à ton travail. Alors j'aime bien commencer un petit peu par ordre chronologique, et s'il y a une chose que je me demande en premier... comment ça a commencé avec toi, ta rencontre avec la musique ? Ma rencontre avec la musique au départ, c'était une forme de musique plutôt populaire, parce que j'ai fait partie pendant pas mal d'années, mon père était musicien déjà, et j'ai fait partie pendant pas mal d'années de l'harmonie de Remiremont. Donc c'est là où j'ai été formé en fait, et j'ai fait du corps d'harmonie. Donc il y a eu de très bons moments musicaux, même des morceaux qui, au demeurant, j'aurais jamais pensé pouvoir vibrer sur des morceaux, mais quand on les joue, quand on les habite de l'intérieur, le rapport à la musique est différent. Donc c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y avait une veine un peu sensible à la musique, quoi, voilà. Donc j'ai commencé par le corps d'harmonie. Et puis ensuite, j'ai affiné un petit peu mes goûts avec la guitare. Voilà, donc autour de 15-16 ans, j'ai réussi à avoir une guitare électrique qui m'est arrivée dans les mains. Et là, c'était la continuité d'une aventure musicale et un virage qui après, m'a permis de devenir un peu plus professionnel. D'ailleurs, passer, alors tu l'as dit, t'as commencé avec un corps musical, passer d'un instrument à vent, un cuivre, à un instrument à cordes, à savoir la guitare, ça a dû faire quelque chose, ça a dû opérer un certain changement déjà dans ta manière de jouer, forcément, et dans ta manière d'appréhender la musique. Bah, c'est-à-dire déjà le répertoire n'est pas du tout le même, parce que le corps d'harmonie, c'est comme un corps de chasse, mais avec des pistons en plus qui permettent d'avoir un instrument qui soit chromatique, c'est-à-dire un instrument où on puisse jouer toutes les notes de la gamme dans n'importe quel ordre, ce qui n'est pas le cas du corps d'harmonie. Alors je suis passé d'une tradition en fait plutôt musique écrite avec le corps d'harmonie, c'est-à-dire une musique qui se lit sur partition, à un rapport à la musique qui était beaucoup plus intuitif, parce que la guitare était un instrument la guitare électrique en tout cas, qui est apparenté avec le rock, et que le rock, c'est pas toujours une musique qui s'écrit. On peut faire du rock sans forcément savoir lire la musique. Donc ça, effectivement, ça a vraiment changé le rapport à la musique, et je pense que c'est beaucoup plus proche de ma façon de voir la musique, c'est-à-dire la musique, c'est directement de la tête à l'instrument. Il n'y a pas forcément toujours besoin de l'écrire, en tout cas dans ma manière de concevoir la musique. L'écriture, je peux écrire la musique, mais c'est toujours en général un médium qui vient se poser entre moi et l'instrument. Donc je préfère la liberté qu'offre le maniement de l'instrument directement, sans forcément avoir à la lire. Alors, si je te comprends bien, tu te sentais beaucoup plus libre avec une guitare électrique. Tu as même t'as commencé avec une guitare électrique avant une guitare sèche. Ouais, c'était le premier instrument. J'ai commencé la guitare électrique à 16 ans. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai voulu continuer mes études de musique de manière plus professionnelle. Et je suis allé au conservatoire à Nancy, et tout le monde ne pouvait pas intégrer la classe de guitare parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc j'ai fait un an de corps d'harmonie, donc le corps d'harmonie est revenu finalement me sauver la vie. Et c'était assez étonnant parce que c'était pas un instrument que je portais haut dans mon cœur, Puis j'ai appris à l'aimer la première année de où j'étais à Nancy, où j'ai commencé à faire mes études supérieures. Et après, pendant cette année de corps d'harmonie au conservatoire, la première année, j'ai en même temps suivi des cours de guitare classique, donc une autre technique, une autre manière encore de voir la musique, un autre répertoire. Et en fait, ça m'a, voilà, je suis après l'année suivante, la deuxième année, je suis rentré en guitare classique au conservatoire. Donc là, la guitare électrique s'est mise un petit peu de côté à ce moment-là. Dans ce cas, la guitare t'a permis d'aller plus au fond des choses et vers une voie de la professionnalisation. C'était vraiment ton but à partir du moment où tu as eu une guitare dans les mains ? Je ne sais pas si c'était mon but. Mon but, c'était d'étudier. Mon but avec la guitare, c'était de m'améliorer et de jouer mieux. Et de pouvoir réellement m'exprimer avec. Après, la notion de professionnalisation, elle est venue un petit peu après. Je suis devenu professionnel de la musique assez tard, en fait. Ça fait 4 ans que je suis musicien à plein temps. Sinon, avant, j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 12 ans, j'ai eu mon CAPES. Donc, en fait, la voie professionnelle dans la pratique musicale, c'était il y a 4 ans. Donc, et après, il y a eu tout un parcours qui a enrichi mes compétences, qui a vraiment... qui a donné aussi peut-être un peu plus d'intégrité, c'est-à-dire que maintenant je fais un peu moins de concessions sur ce que j'ai, enfin je sais un peu plus ce que j'ai envie de faire et quelle direction j'ai envie de donner à la musique que je fais, voilà. Et ça j'avais pas ça à 20 ans. Oui, comme tu l'as dit, c'est venu avec le temps, avec l'expérience, j'imagine. Il t'a fallu beaucoup expérimenter, beaucoup jouer, beaucoup voir ce qui te plaisait plus, ce qui te plaisait moins. D'ailleurs, je peux en profiter vu que j'ai un ancien prof avec moi dans le studio. Ça a tout de même été d'une certaine manière enrichissant l'enseignement, parce que tu as enseigné la musique, tu n'as pas enseigné, je sais pas, le français ou les maths. Non, j'ai enseigné la musique dans pas mal de milieux différents, aussi sous différentes formes, parce qu'il y avait le côté enseignement collège, mais j'ai fait aussi beaucoup d'ateliers avec du travail de chœur, en fait, de chef de chœur. Et donc, en fait, toutes ces pratiques-là sont venues enrichir ma pratique musicale. Et suite à tes études, alors le premier... Oui, je dois dire aux auditeurs qu'on a un auditeur qui est venu s'installer dans le studio avec nous. Comme je le dis comme d'habitude, vous pouvez venir à tout instant, venir dans les locaux, voir comment ça se passe, participer, écouter. Oui, Cheveux au vent qui est là, t'inquiète pas, j'allais dire ton nom, qui est venu ici plus d'une fois en plus. Très contente que tu sois là. Et comme d'habitude, si vous voulez passer nous voir, n'hésitez pas, on est 8 places de l'hôtel de ville à Saint-Étienne, les Remiremont. Mika, je te laisse continuer ta phrase. Suite à tes études, cher Jean-Nicolas, quelle a été la première expérience, entre guillemets, professionnelle ? C'est pas... En fait, j'ai toujours tout mené de front. Je sais pas... Je peux pas te répondre à la question là, parce qu'en fait, j'ai quitté mes études et je suis directement allé dans l'enseignement. Alors, l'enseignement était ma première expérience professionnelle, et pas des moindres, parce que c'est quand même un lieu où on doit rester spontané, où on peut expérimenter aussi beaucoup de choses en musique. On doit avoir un répertoire varié, on doit savoir aborder la même notion, mais de plein de manières différentes. Donc c'est en fait toujours l'école de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il faut absolument, quand on travaille, quand on travaille en collège, pouvoir s'adapter aux gens, aux personnes. Et tout ça, finalement, ça m'a appris à travailler en groupe, dans la musique, et à faire mon métier maintenant d'une autre manière. Et surtout, ça m'a appris la réactivité, en fait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pas peur de me retrouver avec ma guitare ou avec un chœur ou avec... Je peux pratiquer la musique dans pas mal de situations. Et ça c'est vraiment... C'est vraiment lié à mon parcours musical. Je pense que si j'avais fait de la guitare de 16 ans jusqu'à maintenant, je pense que je serais sûrement beaucoup plus pointu dans mon instrument, mais je serais beaucoup moins adaptable et réactif dans des situations, dans des situations différentes. Dans ce que tu dis là, ça veut dire que c'était essentiel dans ton parcours de commencer dans l'éducation nationale en enseignant aux enfants ce qu'on peut entendre maintenant de Jean-Nicolas, ce qui sera fait, j'imagine, dans quelques instants, Lou, avec ton projet perso, notamment, solo. C'était essentiel. En tout cas, ça fait partie. Dans ce qu'on entend aujourd'hui, il y a cette part, et notamment par rapport à l'adaptabilité dont tu parlais, qui se retrouve. Oui, après, dans mon parcours, j'ai rarement décidé. C'est-à-dire, je suis d'une nature où je laisse un peu faire les choses. Moins maintenant, mais j'ai rarement décidé d'aller dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est un milieu qui m'était familier par mon entourage. Je m'y suis retrouvé, je m'y suis senti bien. J'avais aucun pas énormément de problèmes à transmettre ce que je savais ou à lier contact avec des élèves. Donc j'ai fait ce travail-là en prof de guitare beaucoup plus tôt. J'avais 17-18 ans quand j'ai commencé à donner mes premiers cours de guitare. Donc c'est une fibre, la fibre pédagogique, elle est présente en moi tout le temps. Donc j'ai pas eu beaucoup d'efforts pour la cultiver. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est présenté par nécessité, aussi par rapport à la situation dans laquelle je me trouve à ce moment-là, qui s'est présenté et que j'ai exploité. Voilà, après, j'ai transformé ça en me professionnalisant là, en faisant de la musique, parce que la roue tourne et qu'à un moment donné, une fois dans sa vie, il faut renouer avec ses rêves de gamin. Une fois, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas lâcher dans la vie, mais moi j'ai renoué avec ce désir que j'avais à 15-16 ans de faire de la guitare et d'aller faire des scènes et de jouer fort de la guitare et de jouer du rock, du blues, du... voilà. Et je le fais maintenant avec ma maturité. Et j'imagine que après avoir réalisé ton rêve d'enfant ou d'adolescent même, pour l'âge que tu as indiqué, tu te sens heureux, épanoui et à ta place. À ma place, oui, heureux, épanoui, c'est, on verra bien à la fin. C'est un bilan. Le bilan, je le fais pas maintenant. Je le ferai parce que si je fais le bilan maintenant, ça veut dire que je dois arrêter de travailler. C'est-à-dire, je ferai le bilan à la fin de ma vie. Je dirai si oui ou non j'ai eu une vie conforme à mes espérances de ma vie d'enfant. Eh bien, tu reviendras dans l'heure des loups pour ta fin de vie, pour faire le bilan, pour dire si oui ou non tu es satisfait de la vie d'artiste que tu as menée. Et en parlant de vie d'artiste, hein, tu en as fait des choses, tu as composé, tu as créé. Et comme je l'ai dit, tu es venue récemment avec Anne-Marion, je suis désolée, la date ne me vient plus dans l'immédiat, pour le spectacle S. Et tu as été à la composition de la bande-son. Il me semble, si je ne me trompe pas, oui, que tu as envoyé un morceau, un extrait. Alors tu sais quoi, on écoute cet extrait et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par la page Facebook ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. on se fera toujours un plaisir de répondre à vos questions. En effet, Mika me fait signe, j'ai oublié de parler de toi, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est, je veux, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, tu le disais, la bande originale du spectacle S de la compagnie L'Aéronef, composée par Jean-Nicolas Mathieu, ici présent. On a parlé depuis le début de cette émission de guitare, et nous n'en avons pas entendu sur ce morceau. Non, c'était le postulat de départ pour ce qu'on avait réfléchi ensemble avec les autres membres de la compagnie L'Aéronef sur la direction musicale qu'on voulait pour ce nouveau spectacle. C'est la dernière création de L'Aéronef et c'est une de mes dernières compositions. Donc il y a 40 minutes de musique, le spectacle dure à peu près 40 minutes. Cette musique-là est un extrait. Effectivement, il n'y a pas de guitare, donc c'est une bande-son qui a été faite uniquement avec un violoncelle. Et ma voix. Voilà, donc Stan Duguay au violoncelle et Clarisse Paulin qui sont venus tous deux participer à cette bande-son. Et effectivement, il n'y a pas de guitare. Mais ça reste quand même... C'est de la composition, donc ça reste quand même mon univers musical. C'est pas... Après, il n'y a pas de guitare, mais c'est ce que j'aime entendre. C'est ce que j'avais envie d'entendre pour ce spectacle. D'ailleurs, il y a quelque chose qui revient très régulièrement, c'est les artistes sont en général des éternels insatisfaits. Et il me semble qu'au sortir, même pas il me semble, j'en suis sûre, au sortir du spectacle S qu'on est allé voir le 9 novembre à Lunéville, Mika et moi, tu avais dit que pour la première fois, là, tu étais vraiment satisfait de ton travail. Déjà, félicitations, moi j'ai beaucoup aimé. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est pas forcément évident de confronter parfois son insatisfaction artistique à la satisfaction du public ? Si, mais c'est parce que c'est deux points de vue différents. Quand je fais une bande-son comme ça, je l'écoute tellement de fois et ça demande quand même pas mal d'heures de travail. Donc on finit par voir les qualités et les défauts d'un travail comme ça. Le public, évidemment, et c'est l'intérêt de... Enfin, c'est heureusement, ne doit pas voir toutes ces phases de doute et de chienlit parfois. Il y en a. Donc, ça fait partie de la vie d'un musicien ou d'un artiste de pas forcément montrer ses périodes d'insatisfaction parce qu'il faut aussi laisser aux gens la liberté de trouver ça bien, de trouver ça moins bien, de critiquer. Voilà. Après, il y a des fois des critiques qui sont constructives, d'autres qui blessent, d'autres qui... Voilà. Mais en tout cas, j'ai appris avec un peu de temps à gérer cette différence là, voilà. Et après c'est vrai que quand je suis satisfait d'un projet, quand j'arrive au bout d'un projet, que je suis satisfait de mon travail, évidemment la critique a plus tout à fait le même goût, c'est-à-dire que je prends ça avec un peu plus de distance parce que justement j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après le problème n'est plus moi ou voilà, c'est la musique qu'il y a entre moi et le mec avec qui je vais discuter. Donc c'est placé au centre et il y a un peu plus de recul par rapport à l'objet. Ce que tu proposes dans tes différents projets, on peut dire que c'est de la musique expérimentale ? À chaque fois ? Je peux pas dire que c'est de la musique expérimentale parce que j'ai pas l'impression que ça va suffisamment loin esthétiquement pour que ce soit de la musique expérimentale. En tout cas, c'est toujours une expérience pour moi. C'est que la musique expérimentale, c'est que à chaque fois, j'essaye d'aller dans des façons de faire ou dans des univers que j'ai pas encore expérimenté. Voilà. À chaque fois que je crée quelque chose, pour moi, c'est à chaque fois, c'est page blanche. Est-ce que tu te laisses transporter aussi par l'univers ? À chaque fois, il y a un thème. Donc là, par exemple, pour le spectacle S, ou même pour ton projet perso, est-ce que tu définis un thème et à chaque fois, tu te laisses porter, un peu comme tu le disais pour ton parcours professionnel, d'abord dans l'éducation nationale. Tu laisses venir, comment ça se passe ? C'est souvent en faisant. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses, en tout cas dans la musique, il faut que je les confronte au réel. Je suis pas quelqu'un qui a. C'est en faisant de la guitare que j'ai des idées, c'est en chantant que j'ai des idées, c'est en tripatouillant mon ordinateur que j'ai des idées. Des fois en conduisant ma bagnole, c'est là où ça arrive, mais j'ai quand même souvent besoin d'éprouver la chose et de pratiquer, de repratiquer. Ça me demande beaucoup de temps parce que j'ai envie de faire du neuf à chaque fois et que le neuf, je le fais en le pratiquant. Parce que c'est pas quelque chose, on fait pas du neuf dans la tête. Enfin, en tout cas, moi. Mais tu pratiques à chaque fois par rapport à... Tu mets un cadre, je veux dire, il y a un thème qui est défini, et par rapport à ce thème, c'est là où tu vas pratiquer et expérimenter. Ou tu peux aller n'importe où, je veux dire, tu essayes, ma foi, ouais, comme ça, sais, un peu, sans te définir par avance un cadre. C'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Alors, sauf s'il y a un postulat de départ, par exemple, pas de guitare ou pas de je sais pas quoi. Bon, ça, mais ça, c'est des petites contraintes musicales. Mais par exemple, pour le spectacle S, la musique est venue avant que j'ai vu des images. C'est-à-dire, j'ai créé de la musique, je les ai confrontées. Il y a eu une rencontre entre la musique et ce qui se passait sur le plateau. Après, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour ce spectacle-là, pour S, par exemple, c'était ce cas-là. Après, il y a des compagnies, je travaille avec le Théâtre de l'Imprévu, qui est une compagnie plutôt de théâtre. Alors là, souvent, je me confronte en direct avec ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire que je réagis en direct à ce que vont faire les acteurs. Ou pareil, quand j'accompagne une conteuse, par exemple, tu vois. Tout ça, c'est des choses que je fais en direct sur le plateau par rapport à l'énergie que je capte, que je renvoie, et puis on joue avec ça. Et ensuite, tu gardes ou non ? C'est-à-dire que quand tu travailles sur un projet, donc tu viens de nous le dire, c'est très ouvert, tu essaies, et pour le projet, tu vas garder ou non, et peut-être même ne pas jeter ce que tu as testé, le garder, et qui pourra être réutilisé pour un autre projet ? Ouais. Souvent je fonctionne comme ça. Alors en général, je réutilise pas pour les autres projets. C'est assez rare finalement. Et c'est vrai que pour un projet comme S, il y a beaucoup de phases de travail et il y a énormément de déchets entre guillemets parce que il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'expériences musicales pour arriver à 40 minutes de spectacle. Au final quoi. Et dans les différents projets, donc on peut évoquer quand même, on a fait focus sur la compagnie L'Aéronef, il y a d'autres participations, Lou évoquait tout à l'heure Delphine se défile, tu peux nous citer les autres collaborations ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a Delphine se défile. Alors Delphine, c'est une rencontre vraiment chouette, on s'est rencontrés au NAP ici à Saint-Étienne, et puis on a fait de la musique tout simplement, et... Elle était chanteuse, j'étais guitariste, donc on a confronté nos deux façons de faire et on a repris son répertoire et on a rangé quelques chansons et c'est le résultat est vraiment, vraiment chouette. C'est de la belle, on fait de la belle musique ensemble, c'est vachement bien. Ensuite, il y a la compagnie L'Aéronef, il y a le Théâtre de l'Imprévu, qui est une compagnie qui vient de Vincennes. Il y a ensuite le groupe Mont Désert, il y a le groupe... Mon désert de Nancy. C'est du rock. C'est du rock, oui. C'est du rock très empreint Noir Désir. Enfin, ses débuts maintenant, ça s'est un peu transformé. Il y a un projet qui s'appelle Emmanuel Bémer aussi, qui s'appelle Je est une autre, qui est un projet sur la condition féminine. C'est un projet très intéressant. Écoutez tout ce que dit Jean-Nicolas et penchez-vous sur tous ces projets. Ils sont tous très intéressants. Merci, Mika. Différents, voilà. Intéressants, complémentaires, j'imagine, pour toi. Les autres collaborations. Conteuse, tu parlais, une conteuse qu'on peut voir sur Vosges Télévision en animatrice. Oui, qui s'appelle Amélie Armao, qui est la directrice artistique, me semble-t-il, du Théâtre de l'Imprévu, et qui vraiment, quelqu'un que je travaille, avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, c'est une très belle collaboration avec Anne Marion aussi pour l'Aéronef. C'est quand même la compagnie. Dans laquelle je suis depuis 6 ans. De danse contemporaine, en fait, on ne l'a pas signalé. Hein. Oui. Anne danse généralement, et toi, tu crées la musique sur laquelle elle danse. Voilà, et puis j'accompagne aussi Florent Kiefer pour la sortie de son livre. On a travaillé ensemble dans la compagnie L'Aéronef. J'ai fait des musiques de films. J'ai travaillé pour du spectacle vivant de marionnettes. Je suis chef de chœur aussi dans une chorale à Uriménil, l'Écho du Conné, voilà. Donc c'est vrai que ça fait... Et tout ça, ça se répond ? Toutes ces expériences, nourrissent une expérience, nourrit l'autre, etc. T'avances comme ça ? Ouais, toujours. Enfin, en fait, toujours, je cloisonne pas les choses. Je cloisonne pas les choses. Non, je cloisonne pas les choses. tu cloisonnes pas et même tu es quelqu'un de très ouvert à toutes sortes de styles musicaux. Tu as proposé des CD d'artistes, j'imagine, qui t'inspirent, qui te plaisent beaucoup. On va déjà s'écouter un premier morceau du groupe Orc qui s'intitule Heroes. Alors si tu veux bien, on va s'écouter ce morceau, on en parlera 6 minutes, on va peut-être pas l'écouter en entier, on écoutera au moins un extrait. Et on fera un débriefing et on se retrouve juste après sur le 107. I found mine. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant Heroes du groupe Orc, qui d'ailleurs est un gros coup de cœur musical. Très sincèrement, j'ai beaucoup aimé. On est toujours avec Jean-Nicolas Mathieu et Mika, bien sûr, dans les locaux de Radio Gemozo. Et si vous voulez, comme d'habitude, vous pouvez passer nous faire un coucou dans nos locaux ou nous appeler au 03 29 62 40 40 ou encore papoter avec nous via la page Facebook. On parlait avant la pause musicale des collaborations, des différentes collaborations. On essaie de suivre, de reprendre le fil vu que la musique orque, enfin Heroes, était tellement passionnante. Et oui, tu as parlé des différentes collaborations et il y a une question qui me vient. Alors tu collabores avec d'autres artistes, mais tu crées, tu composes aussi. Dans quelles conditions tu te mets pour composer ? L'idée musicale, elle peut venir un peu à n'importe quel moment. Et souvent, ça vient dans la voiture. Voilà, une mélodie, un riff, quelque chose. C'est quand je suis occupé à conduire. Et à ce moment-là, les idées viennent. Et souvent, c'est à la maison, avec la guitare. C'est en faisant. En fait, les idées, vraiment, chez moi, se construisent en faisant. J'ai besoin d'avoir un instrument dans les mains, d'avoir une matière musicale entre les mains. Et à ce moment-là, la musique vient. Et après, je regarde ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je peux en faire. Parce que avoir une idée musicale, c'est bien. La développer, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que il y a beaucoup de musiciens. Enfin, je sais pas, je vais pas généraliser, mais en tout cas, moi, je peux avoir des idées musicales assez souvent. En revanche, arriver à faire une composition qui tient debout sur chaque idée musicale, c'est plus compliqué. À développer une idée, c'est comme développer une pensée. On peut avoir une idée, mais après, pour l'expliquer, pour la faire passer, pour la rendre cohérente sur un sujet ou sur un propos, ça demande quand même un peu de travail. Toi qui écoutes Radio Gemozo, tu reconnais Jean-Nicolas Mathieu qui a déjà embouti ta voiture avec la sienne. Ne t'inquiète pas, c'est normal, tu participais à une expérience artistique puisque tu le sais maintenant, il crée en voiture. Évidemment. Et pour ton projet solo, on va y venir, Lou, j'imagine, puisqu'on a parlé des collaborations. Tu as demandé à l'instant comment ça se passait pour la création. Et bien sûr. La création avec les autres, c'est une chose, mais en solo, c'en est une autre et tu es en plein dedans. Oui, y a un projet qui est en train de voir le jour, qui est un projet où je suis. J'avais besoin ces dernières années de renouer assez fermement avec la guitare, parce que c'était l'instrument de cœur du début. Et je me suis mis avec ma guitare, mon set de pédales, mon ampli, enfin voilà, tout le matériel de base du guitariste électrique. Et je me suis mis effectivement à composer et à faire une musique que j'avais envie d'entendre, une musique qui me collait un peu à la peau. Et le projet, pour l'instant, s'appelle Bleu Pétrole. Alors, je marche un peu sur les plates-bandes de Bachung. Et genre, voilà. Pour l'instant, c'est Bleu Pétrole. Peut-être que ça évoluera. Pour l'instant, c'est ça. Et le nom, j'ai pas encore trouvé mieux. Mais je suis en train de chercher. Ça va germer. Tu es en train de chercher, comme tu le dis. Et ce projet Bleu Pétrole, il est né comment ? Qu'est-ce qu'il est censé représenter ? Il est censé représenter, c'est pas le bouclage de la boucle, mais il me ramène vraiment à mes 16 ans. Il me ramène à mes 16 ans. Ça renoue avec un rêve de gosse, un rêve d'ado que j'avais besoin d'éprouver. Faire de la guitare dans l'univers que je souhaite, faire de la guitare, alors là pour le coup je suis en solo, mais c'est aussi faire de la musique avec les autres. Voilà, donc tout ça renoue, c'est ça la portée symbolique de ce projet Bleu Pétrole, c'est vraiment faire la musique que j'aime là maintenant, comme j'avais envie de la faire à 16 ans et où la vie m'a amené sur d'autres styles, d'autres manières de faire, voilà. Du coup, ça représente vraiment ce que tu as envie de faire, puisque quand on collabore avec et pour les autres, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Là c'est le cas à 100%, c'est ça aussi la différence ? Là, oui. Oui, effectivement, quand on collabore avec... mais en même temps, quand on collabore avec d'autres gens, on a, ce qui est bien aussi, c'est qu'on répond à une énergie qui nous est donnée. Voilà, c'est que les autres dans la création artistique, c'est super important, parce que c'est ça qui va dynamiser la création artistique. Là, quand on est tout seul, on se regarde un peu le nombril, donc il ne faut pas se le regarder trop longtemps, parce que sinon, on tourne en vase clos. Et ça, c'est dangereux. Il n'y a pas de répondant, du coup, parce que tu dis la force de la collaboration, c'est l'échange. Et là, il n'y a personne pour te donner le change. Voilà, je suis juge et partie, quoi. Et ça, c'est pas tout le temps facile d'être juge et partie de son propre travail. Après, la confrontation avec le public fait qu'à un moment donné, on est au clair sur si ça marche ou si ça marche pas. Et ça, c'est une étape importante. Il faut pas oublier cette confrontation-là avec les gens, écouter les retours. Tu parlais tout à l'heure d'avis critiques. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, il ne faut vraiment pas oublier le public parce que c'est le moteur de tout. Et ça tombe bien, la confrontation avec le public, ça sera samedi ? Oui, il y a effectivement, avec la compagnie L'Aéronef, donc Anne Marion joue un spectacle au théâtre municipal d'Épinal ce samedi et elle m'a demandé de faire la première partie, donc ça durera 25 minutes et ce sera l'inauguration en quelque sorte de ce projet solo Bleu Pétrole que j'ai déjà joué en Bourgogne une fois et donc il n'a pas énormément tourné, donc je suis très content de retourner avec ma guitare pour jouer ce répertoire parce que il est actuel à ce que, enfin c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en ce moment, voilà. On peut d'ailleurs, je pense, faire écouter un extrait aux auditeurs vu que tu m'en avais envoyé. Il s'agit d'un morceau intitulé « L'onde », si je ne me trompe pas. Je guette ton regard. Non, ouais, t'as pas l'air de me dire si, non. Si, c'est ça. Alors on s'écoute une partie de « L'onde » parce que je vois que le temps va commencer à nous manquer. Et on se retrouve après cet extrait. Thank you. C'était un extrait du projet Bleu Pétrole, intitulé Londres. Vous êtes toujours avec Jean-Nicolas, Mathieu et Mika dans cette édition de l'Heure des Loups. On aurait voulu en écouter plus, mais malheureusement, le temps va tout doucement venir à manquer. Tu disais avant la pause musicale, Jean-Nicolas, que ce projet, c'est un petit peu ton rêve d'adolescent. Ce rêve d'adolescent, on peut y voir, on peut y entendre plein de choses. Il y a différents instruments. On a fini par entendre la guitare électrique. Il y a de la guitare sèche peut-être, ou c'est peut-être l'électrique qui est grattée corde par corde. Non, tout est fait. En fait, ce projet-là, tout est fait. Rien n'est préenregistré. C'est juste une guitare électrique, quelques pédales et aussi l'ampli, quoi. Donc il n'y a pas de guitare sèche, acoustique du tout. Tout est vraiment fabriqué en direct. Voilà, c'est-à-dire que le morceau-là, je l'ai fait en une seule prise. Je n'ai rien réenregistré dessus. C'est uniquement... c'est joué. Quand je le joue en live, c'est joué comme ça. Je n'ai pas tout à fait toujours le même résultat, parce que suivant les endroits où je déclenche les boucles, où voilà, c'est pas toujours exactement la même musique, et puis il y a des phases d'improvisation à l'intérieur, mais grosso modo tout est fabriqué en une fois. Et comme tu l'as dit, tu les fais même en live avec des boucles, comme tu disais, et des morceaux joués. Alors tu l'as joué une fois en Bourgogne, et tu vas le jouer samedi 22 décembre, si je ne me trompe pas, pour la représentation J'irai danser sur la plage avec la compagnie L'Aéronef. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça a lieu à 20h30 au Théâtre d'Épinal, que l'entrée coûte 5 €, que c'est gratuit pour les enfants et qu'il n'y a pas besoin de réserver pour le spectacle, pardon, j'ai eu un trou, c'est des choses qui arrivent. Je t'attendrai sur la plage, pour être précis, le nom du spectacle. Ah, il me semble. C'est pas J'irai danser sur la plage. Je ne crois pas. Ou alors il a changé depuis la dernière fois, puisqu'il a déjà été joué ce spectacle l'été dernier, et il s'appelait Je t'attendrai sur la plage, avec une magnifique affiche. Vous irez voir notamment, peut-être... sur la page Facebook de Jean-Nicolas Mathieu, il y a moyen d'être pote avec toi. Oui, il y a moyen d'être ami avec moi. Je refuse rarement les amis. T'as l'affiche, et puis sur la page FB de la compagnie L'Aéronef, elle y est aussi, cette affiche avec deux jolis flamants roses. C'est ça, je t'attendrai sur la plage. Bien évidemment. Alors, c'est moi qui me suis trompée, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Tu es là pour ce projet qui, bon, c'est pas l'aboutissement de ta carrière. Hein, tu en es encore au début, j'espère, pour toi. Eh bien, ça, je ne sais pas. En tout cas, je fais mon petit bonhomme de chemin avec l'objectif, avec encore pas mal de choses pas encore accompli, donc j'ai encore quelques rêves dans ma musette que je garde et qui me permettent d'avancer, parce que si on remplit pas ses rêves assez souvent, on meurt à petit feu. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est le rapport à la vie que j'ai maintenant. J'ai vraiment comme objectif d'essayer de savoir ce que je veux faire, comment je veux me réaliser, et d'essayer de ne pas lâcher ça jusqu'à la fin de la fin de la fin. On parlait de ta performance ce samedi au Théâtre Municipal d'Épinal. Il y a aussi d'autres dates de prévues, ou pas encore ? Non, pas encore. Il y en a certaines qui sont en pourparlers, qui ne sont pas encore arrêtées. Donc j'ai pas envie de parler de choses qui ne sont pas certaines. Donc il y a déjà samedi, et après il y en a d'autres qui s'annonceront. Mais je vous le ferai savoir, ou je te le ferai savoir, Mika. Et je m'adresse encore à toi qui écoutes, celui qui s'est fait emboutir la bagnole par celle de Jean-Nicolas Mathieu. Si tu as envie de le faire jouer dans ton lieu de spectacle, tu peux, même peut-être à la maison, je ne sais pas, en spectacle privé. Si ça a plu, ce qu'on entend, alors on a entendu vraiment une infime partie, mais si ça vous intéresse d'échanger avec Jean-Nicolas et de le faire jouer pour vous, il y a possibilité. Oui, il y a possibilité. Je suis tout seul avec ma guitare et mes pédales. Donc après, il faut adhérer à l'univers. C'est un univers assez vaporeux. C'est ça. On part, comme je sais, une spectatrice t'avait dit ça, mais je sais que c'est aussi ce que je ressens. C'est quand on écoute, on va ailleurs, on voyage. Et quel est le contact pour te joindre ? Et en savoir plus. J'ai ma page Facebook. J'ai mon Jean-Nicolas Facebook. Mathieu, c'est facile à trouver. Oui, sinon j'ai un téléphone portable. Je sais pas si je peux. Si tu as envie de le donner, on est tout ouïe. Bon, allons-y. 06 60 81 13 50. Voilà. Tu peux le répéter parce que moi je retiens rien. 06 60 81 13 50. Un complémentaire. Là où on peut te contacter pour alors discuter avec toi. D'après ce que j'ai compris, tu es quand même assez facilement joignable, assez proche du commun des mortels, si je puis me permettre cette expression. Parce qu'après tout, ta musique, pour les quelques minutes qui nous restent, la musique pour toi, qu'est-ce que ça te permet ? Ça te permet de véhiculer des émotions, des idées, des concepts ? Non, la musique me permet de vivre des expériences. La musique me permet de créer mon chemin de vie et d'aller à la rencontre des autres, de réfléchir sur moi-même, de devenir meilleur, d'avancer. En fait, la musique me permet d'avancer par les expériences que ça procure, me permet d'affiner aussi mes choix, mes envies, ma sensibilité. Ça permet tout ça, la musique. Voilà. Donc c'est pas rien. C'est le lien avec le cœur. La musique, c'est le lien avec le cœur. Quand on vibre sur un truc, quand on vibre moins sur quelque chose, tiens, pourquoi ? Voilà, c'est... Il y a toujours matière à réflexion, et bon voilà, c'est mon moteur de vie, la musique. Le cœur, ça tombe bien, Jean-Nicolas, ça ne s'écrit pas pareil, mais on le disait tout à l'heure, tu es chef de chœur à Uriménil, l'écho du Connais. Et il y a un morceau dans ton projet, alors j'allais dire sur ton CD, nous on l'a en CD, on a cette chance, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est pas sorti. Hein, tu ne l'as pas gravé, on verra, tu nous diras, mais en tout cas, il y a un morceau qui est très court, hein, 2 minutes et quelques, et où il y a des chœurs. Sur quoi ? Il y a un morceau où il y a des chœurs, justement, dans le projet perso. Et... Non. Ah, Mika, tu parles du morceau à Nicolas, j'imagine, mais qui vient peut-être pas de toi. Ah, bah, non, à Robin, pardon, à Robin. Oui, alors ça, c'est parce qu'à Robin, en fait, c'est une... Non, c'est pas du tout de moi, c'est une carole anglaise qui a été composée au XVIe siècle. En fait, ah, voilà. Okay. Mais en fait, j'ai donné ce morceau-là parce que la musique du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, c'est une pierre angulaire pour moi dans la manière de composer. Et cette musique-là, particulièrement, est un bon aperçu de l'esthétique de l'époque et de ce que j'aime entendre. Il n'y a pas de cœur, alors, sur ce projet solo ? Sur Bleu Pétrole, il n'y a pas de cœur. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Pour l'instant, c'est que de la guitare, parce que je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller avec cette guitare. Je ne garantis pas qu'à un moment donné, il n'y ait pas de la voix quelque part, parce que c'est aussi un instrument que j'aime manier. Mais pour l'instant, c'est exclusivement de la guitare. En plus des performances scéniques, est-ce qu'on pourra, à un moment donné, se procurer un album ? C'est pas encore au programme. C'est pas impossible. Pour l'instant, je m'attache plutôt à pouvoir monter sur scène avec cet album, parce que c'est un album solo et que le travail en solo, il faut que je le confronte aux gens. Et j'ai pas envie de le garder pour moi ou de le graver sur un truc. J'ai envie d'aller le jouer pour les gens et de voir aussi si ça marche, si ma musique fait sensation, si ça plaît ou pas. Voilà. Donc après, la phase d'album peut-être viendra après. Phase d'album, mais beaucoup plus musicale, vu qu'on l'a compris, tu chantes, mais pas comme, je sais pas, comme Pandore, ou, enfin, en parlant des artistes que j'ai reçus dans mes émissions, si je ne m'abuse, tu fais pas de la chanson à texte, c'est plutôt du chœur, comme on a pu l'entendre pour ceux qui ont eu la chance d'écouter ou d'assister à S. Ouais, alors c'est vrai que la voix, c'est aussi, je travaille ça comme une boîte à ambiance, comme j'utilise ma voix surtout avec des vocalises, pas beaucoup avec la parole parce que je sais pas écrire des textes, donc ma voix, je l'utilise comme un instrument facile qui est là, qui est immédiat et que je peux exploiter n'importe quand, n'importe comment. J'ai de la chance, je chante juste, j'ai une voix qui a une tessiture vraiment correcte, donc je l'utilise assez souvent dans les projets, ça permet de soutenir la guitare, d'aider la guitare. En fait, c'est aussi des allées et venues entre la voix et la guitare. Voilà. Voix d'ailleurs avec laquelle tu peux monter assez haut dans les aigus, ce qui peut sembler surprenant quand on écoute ta voix plutôt grave. Tu peux peut-être dire aux auditeurs comment tu fais, leur expliquer le principe de voix de tête, comme tu nous l'avais expliqué le 9 novembre. Oui, bah là, y a tout le monde a deux types de voix. Il y a la voix de poitrine, donc c'est la voix avec laquelle on parle au quotidien. Et puis, il y a une voix un peu plus aiguë. Voilà, c'est là qui est une voix de tête. Physiologiquement, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est assez pratique parce que ça permet d'aller chatouiller des notes qu'on n'a pas, quoi. Enfin, d'élargir l'ambitus. Élargir aussi l'amplitude des morceaux et les explorations musicales, parce que je l'ai bien compris, tu aimes bien aussi l'exploration et la... Je cherche le mot, je le palpe. L'expérimentation. Merci beaucoup, Mika. Et ça te donne de nouvelles opportunités, du moins quand tu travailles seul, parce que tu as travaillé, je le rappelle, avec deux violoncellistes pour le travail S, et tu travailleras, j'imagine, avec d'autres musiciens. Qu'il soit chanteur ou instrumentiste. Tu as dit que tu voulais peut-être pas te prononcer tout de suite parce que c'était susceptible d'évoluer, si je me trompe pas. De toute façon, c'est susceptible d'évoluer, j'espère bien, parce qu'on, en tant que musicien, on travaille pas toute une vie avec les mêmes personnes. Donc, effectivement, j'espère que tout ça va évoluer, ça va avancer, que les rencontres vont être nombreuses, parce que c'est vrai que disait Mika par rapport à Bleu Pétrole, c'est que c'est un projet intéressant, mais c'est un projet où je suis tout seul. Et le but de ma vie, c'est pas de jouer de la guitare tout seul, c'est vraiment d'aller jouer avec des gens, d'aller confronter mon univers et mon jeu de guitare avec d'autres personnes, parce que ça aussi, ça enrichit une vie, d'aller au contact des autres. Là aussi, on peut te contacter, notamment via la page Facebook, des musiciens ou autres interprètes qui ont aimé ton univers, ce qu'ils ont entendu, et qui aimeraient collaborer avec toi. Oui, bien sûr. Oui, je suis fermé à aucune proposition. Tout est le bienvenu, et toute aventure est à réfléchir. Et voilà, c'est vraiment la musique me sert d'expérimentation. Donc chaque aventure est vraiment la bienvenue. Voilà. Comme tu le disais, la porte est ouverte pour te contacter. Les auditeurs le pourront s'ils le veulent via en tout cas Facebook, vu que tu seras indiqué avec le podcast. Et si je parle de podcast, c'est qu'il sera déjà malheureusement le moment de se dire au revoir, vu qu'on a un créneau à respecter. C'est bien dommage, on aura encore passé beaucoup de temps à papoter avec toi. Mais rien n'empêche qu'on te retrouve à d'autres moments pour continuer à parler de ton univers artistique, vu qu'il y a plein de pistes qui n'ont pas été explorées. Avant de se dire au revoir, comme d'habitude, c'est le moment de faire la programmation de la soirée Mika à l'habitude. Et comme on est jeudi soir, on retrouvera dès 20h l'émission Jukebox, puis à 23h Rock à la Casbah. Musique jusqu'à demain matin, 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Puis Mathilde vous fera sa chronique pour le vendredi et Marion vous fera sa matinale et vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h pour une émission spéciale, très très très spéciale, comme je l'ai annoncé déjà sur la page Facebook et que je l'ai dit en début d'émission. Ce sera ma dernière émission en tant que salariée à Radio Gémozo et ce sera aussi le moment bien choisi pour vous dire où j'atterrirai. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une très très bonne nouvelle, mais en attendant... Bah on se donne rendez-vous à 18h. Si vous voulez même venir dans les locaux pour prendre un pot avec nous, vous êtes les bienvenus, ou pour discuter ou pour discuter même via Facebook ou par téléphone au 03 29 62 40 40. La ligne sera ouverte pour cette émission en toute convivialité. On était avec Jean-Nicolas Mathieu et Mika pour cette émission. Et comme je disais, oui, j'ai pas dit pour le podcast, qui sera disponible dès ce soir sur notre page Facebook et notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Et comme je le disais, les pages qui peuvent être identifiées sur Facebook le seront. Et ce qui peut être indiqué aussi avec le podcast sur notre site internet le sera. Mika, Jean-Nicolas, merci de revenir au micro. Et parce que vous aviez pas vu que j'avais pas éteint les micros. Et merci beaucoup pour votre présence, c'était très sympa. Merci beaucoup Jean-Nicolas d'être venu, très contente d'avoir pu échanger. Merci Radio Gémozo, merci. Et dans ce cas, on se dit rendez-vous demain même heure pour la dernière heure des loups, ou peut-être. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. À demain tout le monde. Ciao.